política de verdad recargada. Para la política de verdad y que tenga como factor primordial al pueblo, sin ideología, sin líneas impuestas, con el solo objetivo de desarrollar a la gente, motivándola con incentivos para que completen un desarrollo integral, con educación y conocimiento. Llámese mujer, llámese hombre, buscando que rompan con una brecha de pobreza, que rompan con una brecha de necesidad, proviéndolas con herramientas al final de su formación, no sólo de capacidad per se, sino también capacidad financiera y una cuenta con un cúmulo de líquido suficiente para comenzar su vida independiente, proviéndolas de mercados para competir y proviéndolas de la capacidad suficiente para competir en los mercados. For the politics of the true, which as the people, as the primary factor, without ideology, without imposed line, with the sole object of developing people, by motivating them with incentives to complete an integral development with education, a knowledge, call her woman, call him man, looking for them to break a gap of poverty, looking for them to break a gap of necessity, providing them with tools at the end of their bachelor, at the end of their degree, not only capacity per se, but also financial capacity, in an account with a great liquid to start their independent life, providing them of market to compete and providing them with sufficient capacity to compete on the markets. Who the white high politic that has that ball as primary factor, only ideology, only of the leaning mid the insignia side, mention su embliquen, in them see mi arrasi motivier, ein integral embliglum, mi bilden un reisen, mi bilden un basen, su volende. Nennen sie ein Frau, nennen sie ein Mann. Sie suchen nach einer Lücke in der Mond, nach einer Lücke in der Not und stelle ihnen an, Ende ihrer Ausbildung, über solches zu verfügen. Nicht nur die Kapazität an sich, sondern auch a de financial capacidad, una inconto, mi gegungen, Flüssigkeit, ihre Unabhängigkeit, zu beginnen leben, in dem Markt, voor de wetbewerb zu Verfügung stellen, um ihnen ausreichende Kapazitäten zur Verfügung stellen und auch auf den Märkten zu konkurrieren. Pour les politiques de la vérité, et qui avait comme facteur principal le peuple sans idéologie, sans ligne imposée, dans le seul objectif de développer les gens en les motivant avec l'incitation à compléter un développement intégral avec l'éducation et la connaissance. Appelez-la une femme, appelez-la un homme. À leur recherche pour rompre avec un écart de pauvreté. À leur recherche pour rompre d'un écart de besoin. En lui fournissant des outils à la fin de la lieu formation, non seulement une capacité en soi, mais aussi une capacité financière et un compte suffisamment liquide pour démarrer leur indépendance vie. En lui fournissant des marchés pour compétir, des marchés pour rivaliser de manière légale, en lui fournissant une capacité suffisante pour rivaliser sur les marchés. Pour la politique et la vérité, et qui a comme facteur primario, les personnes, sans idéologie, sans ligne imposée, con l'unico scopo di far crescere le persone, motivandole con incentivi per completare un sviluppo integrale con l'educazione e la conoscenza. Chiamala donna, chiamalo uomo, cercando che rompano con un divario di povertà, cercando che rompano con un divario di necessità, fornendo a loro gli strumenti alla fine della loro formazione, alla fine della loro formatura, non solo di capacità per sé, ma anche capacità finanziarie. È un conto con abbastanza liquida per avviare la loro vita, fornendo loro mercati per competere e fornendo loro capacità per competere sul mercato. Per la politica della verità è che tengo un fattore principale a persone senza ideologie, senza linee imposte, con l'unico obiettivo di sviluppare le persone, motivandole per un sviluppo integrale, con educazione e conoscimento. Chiama ella di mulher, chiama ella di uomo, procurando che rompa con un iato di pobreza, procurando che rompano con un giato di necessità, dotandoos di ferramenta no final della sua formazione, no solo capacidades per se, mas también capacidades financieras. Es una cuenta con capacidades suficientes, mas una cuenta con liquidez suficiente para comenzar su vida independiente, forneciendo mercados para competir y dando a ellos capacidades suficientes para competir en los mercados.